Radiomatic. Of love, distortions and shimmers, the stubbornest husk flakes away, and the dust rises up. Thank you. amorcer la transmission 398 d'Audiomatique. Les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du groupe texan Shearwater, mené par Jonathan McBurg. De son plus récent album The Great Awakening, lancé le 10 juin 2022, il nous présentait la chanson Akaba. Et c'est sur la musique de Sikone Youth que se poursuit sans attendre Audiomatique. extenso. El camino no se ve, nada espera en ninguna parte. No hay alivio en el placer. Es la cuerda planetaria que te liga lo que ves. Es la cuerda planetaria. Audiomatique, nous avons entendu le duo Cerati-Melero qui nous offrait la pièce La Cuerda Planetaria. Cette pièce est tirée de l'album Colores Santos, réalisé conjointement par le chanteur Gustavo Cerati du groupe Soda Stereo et l'artiste Daniel Melero. Avant cela, nous écoutions Chicone Youth, et qui est enfin un projet parallèle du groupe Sonic Youth auquel s'est adjoint l'artiste Mike Watt, qu'on peut entendre jouer notamment dans les groupes Minutemen, DOS et Firehose. Donc, du seul album de Chicone Youth, paru en 1988, nous avons entendu la pièce Macbeth. Et Audiomatic se poursuit cette fois avec l'artiste américaine Angel Olsen. Walking those old scenes, how can I go on? pour clore ce segment 100% américain, il s'agissait à Audiomatic de l'artiste Suvian Stevens et la pièce Ativan, extraite de son album The Ascension, lancé le 25 septembre 2020. Tout juste avant, nous avions droit au trio Animals as Leaders. Il nous présentait sa composition The Guardian North, tirée de l'album Parasia, paru le 25 mars 2022. Et pour débuter, nous avions droit à la chanteuse Angel Olsen et la pièce Go Home de son sixième album Big Time, sorti le 3 juin 2022. C'est maintenant sur la musique du groupe de Kamasi, Washington que se poursuit Audiomatic. Thank you. Thank you. l'unique pièce qui meublait cette séquence musicale à Audiomatique était l'œuvre de la formation menée par le saxophoniste Kamasi Washington. La composition que nous écoutions, intitulée The Next Step, apparaît sur l'album triple The Epic, paru en 2015. Et en conclusion de cette transmission 398 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous offrir la musique du groupe The Chameleons. Il nous interprétera la chanson One Flesh qu'il a enregistrée le 5 mai 1984 lors de sa troisième session d'enregistrement pour l'émission de radio de John Peel sur BBC Radio 1 en Angleterre. Rappelons que John Peel a animé une émission de radio de 1967 jusqu'à sa mort en 2004. Dans le cadre de son émission de radio, il invitait régulièrement des artistes et des groupes à venir jouer en direct. C'est ce qu'on appelait les Peel Sessions. Environ 4000 Peel Sessions ont été enregistrées en 37 ans par plus de 2000 artistes ou groupes. Et la version originale de la chanson One Flesh du groupe de Chameleons se retrouve sur son deuxième album intitulé What Does Anything Mean, Basically, sorti en 1985. Les sonoristes seront de retour mercredi prochain dès 17h en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM pour la transmission 399 d'Audiomatique. Entre-temps, il est toujours possible d'écouter nos anciennes transmissions grâce à nos archives accessibles par l'entremise de nos profils facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc le groupe de Chameleons et sa chanson One Flesh enregistrée lors de sa troisième Peel Sessions. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Faceless voices on the phone with words.